Welcome, bonjour, je m'appelle Eric Cooper et durant 60 minutes, j'aurai le plaisir de vous présenter la croisière folk. Je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être nouveaux, qui viennent de découvrir cette émission, eh bien on vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. N'hésitez pas à jeter un œil et une oreille à notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk, ce qui est logique, me direz-vous. Si l'émission s'appelle La Croisière Folk, c'est normal que la page eh bien, s'appelle aussi La Croisière Folk. Et if you listen to us, I let you know that we have a Facebook page called La Croisière Folk. Don't hesitate to like the page And through this page, you can send us little message. C'est avec Blackmore Night que nous avons démarré cette programmation. Et Strawberry Girl, c'est, je pense, la fin de la saison des fraises. Alors, qui est Blackmore Night ? Eh bien, c'est un duo folk rock anglo-américain composé de Richie Blackmore et de Candice Night. Un duo formé en 1997-1997. On poursuit avec un autre duo. Ça, c'est un duo américain de space folk. Alors, le space folk, c'est un mélange de musique classique, de folk et de psychédélique. Le duo est composé de Joseph Andrew Thompson et de Anne Rose Thompson, c'est monsieur et madame. Leur album de 2018 s'appelle Safe Passage et on va écouter un extrait de cet album, Poison Tree. Ensuite, il y aura Carter Samson avec Queen of Oklahoma et du folk allemand avec Ochen Wide Für Iran. L'album s'appelle Liederbuch. Je ne sais pas si je prononce correctement. Je sais que Liederbuch, ça veut dire livre de chansons. C'est leur album sorti en 88. Et tout de suite, on démarre cette série musicale avec Astralingua. Asseyez-vous, prenez un café, vous écoutez La Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. Was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow, and I watered it in fears, night and morning with my tears, night and morning with my tears, and I sun it in with smiles and with salt to see. Deceitful wiles. And it grew both day and night till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And until my garden stole, when the night had found the pole, he stole, when the night had found the pole. See, in the morning glad I see, in the morning glad I see, my foe outstretched beneath the tree. Believe for miles and miles. folk que vous devez explorer, c'est le folk qui nous vient d'Allemagne. Et on écoutait Auchenwide avec Fur, je ne sais pas très bien comment on dit. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de me donner des cours d'allemand. Et donc cet extrait de leur album Livre de chansons. Tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans 1, 2, 3, c'est la partie de l'émission qui vous permet de découvrir un album en 3 chansons. Et grâce à cela, eh bien, vous allez pouvoir décider après si vous avez envie d'aller acheter cet album pour qu'il fasse partie de votre discothèque folk. Et c'est un groupe qui nous vient du Canada, du Québec, dans le Shed avec Vallée Embrumée. L'album est sorti en janvier 2021. Il est inspiré du concept de l'album classique sorti en 65 par Bob Dylan, Bringing It All Back Home. Et il est en fait formé de 2 parties distinctes. Alors dans la première partie, Dans le Shed, le nom du groupe explore les sonorités indie folk avec des chansons aux ambiances influencées autant par les Bar Brothers et Fred Fortin que par Ray LaMontagne et Wilco. Les références plus folk americana de Danny Placard, Iron and Wine, Bob Dylan, Gillian Welch et David Rawlings sont plus chères au duo, qui sont vraiment plus le duo, sont toujours au rendez-vous sur la face B. Alors plusieurs des histoires habitant le Shed sont imprégnées du territoire gaspésien. Certaines présentent des personnages que l'on imagine vivre dans un village de la péninsule. D'autres plus personnelles sont empreintes d'espoir, d'amour et de nostalgie. Mais encore une fois, la porte du Shed est demeurée ouverte sur le reste du Québec, de l'Amérique et du monde. Les Gaspésiens, donc le duo gaspésien qui forme donc Dans le Shed, c'est Éric Dion et André Lavergne. Ils sont complices musicaux depuis plus de 20 ans. En 2013, les deux amis et musiciens décident de créer ce projet Dans le Shed, dans la cabane en fait. Et depuis, ils ont joué un peu partout, au Québec et dans la francophonie, en France, en Belgique, en Suisse et aux États-Unis. Alors sur scène, ils partagent leur joie de vivre et la complicité musicale qui les caractérise. Ils interprètent des compositions à travers des personnages dans lesquels chacun se reconnaît. Alors le groupe a publié 2 EP et 2 albums qui sont publiés chez le Grenier Musique. Je salue Carole du Grenier Musique qui a toujours la bonne idée de m'envoyer leurs albums. Et puis puisqu'on parle du Grenier Musique, une petite annonce pour eux. Le Grenier Musique de Moncton, donc situé à Moncton, lance une série les soirs d'été et propose 10 soirées musicales hebdomadaires qui vont se dérouler du 15 juillet au 16 septembre. Ces spectacles auront lieu les jeudis soirs à 19h directement dans la cour arrière du Grenier Musique, 37 rue de Portledge à Moncton. Alors sachez que Moncton se situe dans le New Brunswick, qui est l'une des 10 provinces canadiennes. Le territoire est grand comme la Belgique et les Pays-Bas réunis, à peu près 750 000 habitants. Et leur devise en latin dit ceci, spem reduxit, ce qui veut dire l'espoir renaît. Voilà, vous apprenez plein de choses dans cette émission, La Croisière Folk, et c'est pour ça, je suis sûr que vous nous aimez bien. Dans le Shed, donc, avec 4,25 cents, nos Naufragés et Vallée Embrumée. J'ai jamais eu de chance. L'école, les femmes, la loterie. Pareil pour mes silences, mes larmes, mes cris, mes rêveries. J'aimerais ça faire une pause de cash. J'y pense même pas. Il me reste juste une pièce. T'allèges pas ta peine avec 4,25 cents. Tu payes pas de bien avec 4,25 cents. Au cœur, au ventre, à l'esprit. Des comptes en souffrance. L'amour, les deuils, les tricheries. À fin du mois, souvent je j'en arrache. Toi tu ferais quoi avec juste une pièce? T'allèges pas ta peine avec 85 cents. Tu te payes pas d'APN avec 85 cents. Au bout de leur absence, les pleurs, la gêne, le mépris. Hier je dormais pas, je l'ai eu en pleine face. C'est peut-être pour ça qu'il me reste juste une pièce. T'allèges pas ma peine avec 85 cents. Avec 85 cents. À une paix complète. vallée embrumée, ma rivière enflammée. J'oublie les heures, je garde mon cœur allumé. Si un ciel menaçant déverse sa pluie battante, tu es une aquarelle. La grisaille des jours, si une ombre dérobe la lumière sur mon parcours, tu es un feu ardent, une beauté aveuglante. Pour toi, vallée embrumée, ma rivière enflammée, j'oublie les heures, je garde mon cœur. Des remparts pour toi, ma chérie. Je lèverai une armée. Si l'orage n'est pas en voie de se calmer, je braverai des vents pour allumer l'effort. Pour toi, vallée embrumée. Dans 1, 2, 3, vous avez donc découvert cet album Vallée embrumée du groupe Dans le Shed. Et je peux vous dire une chose, c'est que vous avez écouté trois morceaux, 85 cents, Naufragé et La Vallée embrumée. Et si vous voulez en savoir plus sur les concerts donc du Grenier Musique, eh bien vous allez sur leur site legreniermusique.com. Avant de passer à la suite de la programmation, j'ai envie de vous parler d'un podcast qui s'appelle le Podcat, qui est le podcast des chats. C'est un amoureux des chats qui a réalisé celui-ci, c'est Nicolas Stoufflet. On le trouve, hein, le Podcat, sur entre autres soundcloud.com. Et dans celui-ci, eh bien, il invite Philippe Geluck, qui est le créateur du chat, à l'occasion d'une exposition, Le chat déambule, hein, une exposition qui est à Paris. Et puis, on a aussi beaucoup parlé de Philippe Geluck, ici en Belgique, au sujet d'un musée. Tout le monde n'est pas d'accord pour ce musée, mais je vous propose d'écouter donc un extrait de cette Radio des chats, le Podcat, et c'est Philippe Geluck qui est interviewé par Nicolas Stoufflet. Oui, on pensait que c'était un gros pantouflard. Et puis, il déambule, il va s'en aller peut-être en région transalpine, donc à Milan, peut-être à Montréal et à New York, on est en train de négocier tout ça, mais donc ça pourrait devenir une tournée mondiale, ce qui démarrait comme quelque chose de voilà, un peu anecdotique, prend de l'ampleur. Bien, félicitations, et cet objectif, c'est toujours de venir à Bruxelles en fin de tournée mondiale ? Bien sûr, le chat, si vous savez, un animal retrouve toujours son maître et retrouve le chemin vers chez lui, on dit ça des chats. Il reviendra à Bruxelles au moment de l'inauguration du futur musée du chat et du dessin d'humour, prévu en 2024. Maintenant, on sait que les travaux dans le bâtiment et à Bruxelles particulièrement prennent parfois plus de temps que prévu, donc ce sera peut-être 2025, mais en tout cas, il sera à Bruxelles pour inaugurer le musée. Dans le dernier album du chat, Le chat est parmi nous, publié chez Casterman, Philippe Geluck, vous faites parler un lapin, et ce lapin regrette que vous ne l'ayez pas adopté comme personnage en 1983. C'est vrai, pourquoi pas un lapin ? Ah oui, c'est vrai, j'ai dessiné une espèce de lapin qui ressemble vaguement au chat et qui dit « Je suis le personnage que Philippe Geluck n'a pas cru bon d'inventer en 83 ». Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas passé loin, parce que je l'ai raconté souvent, mais l'anecdote est vraie. Lorsque nous nous sommes mariés, ma femme et moi, en 1980, j'avais dessiné un carton de remerciement pour les cadeaux que nous avions reçus, où je nous représentais sous la forme de deux chats qui passaient leur nuit de noces. C'est comme ça que je peux le dire le plus, de façon la plus prude. Oui, merci. Possible. Donc le mâle couvrait la femelle. Voilà, donc si vous aimez les chats, le pod de Cat sur SoundCloud est pour vous. Et on écoutait un extrait de l'un des derniers podcasts où on interviewait Philippe Geluck. Et on sait si oui ou non il aime les chats. Tout de suite, voici Beauregard. High on a Mountain, Clanade avec Lady Marianne et The Barnhill Brothers, un groupe belge avec The Show Must Go On. About the days that used to be. Si le vaccin contre la COVID-19 prévient les formes graves de la maladie et les décès, nous ne savons toujours pas s'il empêche d'être infecté et de transmettre le virus à d'autres personnes. Continuez donc de maintenir une distance de sécurité avec les autres et de porter un masque, surtout dans les lieux clos, surpeuplés ou mal ventilés. Nettoyez fréquemment vos mains et couvrez tout ou éternuement dans votre coude plié. En faisant cela, vous nous protégez tous. Ce message vous est présenté par l'UNESCO, l'OMS

et j'ai eu le bonheur de l'interviewer. C'est une artiste bretonne. Son dernier album est absolument excellent. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans 1, 2, 3. C'est de Kérouz à Ouessant. Et je l'ai interviewé et entre autres, je lui ai demandé s'il y avait une particularité des artistes bretons. Est-ce que si par exemple, on va à Lyon, il y a une particularité des Lyonnais? Si on va en Corse, il y a une particularité des Corses? Et voici ce qu'elle nous a répondu. Après, c'est vrai qu'il y a des sensibilités différentes. Alors peut-être et sans doute même que la région d'où l'on vient forcément nous influence comme d'autres choses, mais c'est vrai qu'on dit qu'en Bretagne il y a une certaine mélancolie, mais qu'elle est lumineuse. On a un petit peu cette nostalgie, mais c'est pas une nostalgie qui rend triste. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, que je ressens dans ma façon d'écrire ou d'interpréter. Alors sans doute, oui, on est forcément influencé par son pays. Alors, on est écouté par des personnes qui viennent des quatre coins du globe. Les Bretons, est-ce qu'on pourrait un petit peu les décrire? Si on devrait décrire un Breton, qu'est-ce que vous auriez comme qualificatif? Alors, bon, c'est difficile parce que c'est vrai que quand on veut décrire, eh ben, forcément, on généralise. Et puis, bon, il y a tout ce qu'on appelle les clichés, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent souvent ou alors qu'on entend dire par d'autres. Par exemple, on dit que les Bretons sont un peu bourrus. Et que le premier contact n'est pas forcément évident. Mais par contre, une fois cette petite barrière franchie, finalement, qui n'est, je sais pas si c'est de la méfiance ou c'est peut-être on attend d'être sûr avant de se dévoiler. Mais une fois que cette frontière est franchie, je crois que c'est pour la vie. Le Breton est quand même est beaucoup plus tendre qu'il n'y paraît. Est-ce qu'il y a un moment qui a déclenché votre envie de chanter? Est-ce que vous vous rappelez de ce moment? Oui, alors je me souviens de... Je sais que on m'a dit que je chante depuis que je suis enfant, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui chantent. C'est vrai qu'on aime bien chanter. Il n'y a pas encore comment dire... Après, on ose moins chanter quand on est plus grand. Mais je sais que ce qui m'a beaucoup frappée, c'est quand j'avais 13 ans et que j'ai vu un film sur Édith Piaf. Et c'était le film de Claude Lelouch. Si vous avez envie d'écouter l'entièreté de cette super interview de Clarisse Lavanant, vous allez sur les interviews d'Éric Cooper, c'est sur SoundCloud, c'est sur plein d'autres plateformes. Je suis sur Spotify aussi, donc vous cherchez Clarisse Lavanant, interview d'Éric Cooper, et vous pourrez l'écouter. Tout de suite, voici Kadri, un groupe belge, avec Verdienden Loon, extrait de Arkai, leur 11e album, un groupe folk créé en 76. Ensuite, Old Steward, avec Pretty Golden Hair, extrait de son premier album sorti en 67 qui s'appelle Bedsitter Images. C'est un artiste folk écossais, Al Stewart, et il fêtera son 75e, donc son 75e anniversaire, le 5 septembre. Ben zo van zin. Ik kan mij niet vergeten, hoezeer ik ook probeer. Ik ben van haar bezeten, gebroken is mijn eer. Schoon lief mag ik u vragen, het is enkel goed bedoeld. Hoe lang moet ik nog jagen, mijn kracht is weggespoeld. Ik heb u uitverkoren, jij troont in mijn hart. Ben ik nu verloren, is mijn deel enkel smart. Gezel, lieve gezelle, ik hoor uw geklaag. Hoe durft gij mij vertellen, mijn antwoord is te traag. Gij hebt mij uitgekozen, wie zijt gij nu echt? Een ander wil uw rozen, wees heus, spreek oprecht. Schoon lief wil mij toch schenken, een zacht en troostend woord. Wat moet ik hier dan denken, mijn zinnen zijn gestoord. Zie mijn knieën buig ik nu, gij troont in mijn hart. Alles wil ik doen voor u, is mijn deel enkel smart. Zoals de wind van het noorden, zijt gij van mij gekeerd. Ik kan u niet vertrouwen. Wie zijt gij nu echt? Zoek troost bij andere vrouwen. Wees heus, spreek oprecht. Schoon lief, dan schiet gij puur benijn. Vergeten kan ik niet. Ik hoop nog op ons samen zijn. Een wonder dat geschiet. Ik draai naar alle kanten. Ik ben in vrije val. De wind waait langs weeskanten. Hier in de donkere dal. Gezel, gij moest u schamen. Dat gij mij zo vermaant. Gij gaat hier door de bramen. De weg is ongebaand. Gij moogt het pad betreden. Stille woorden nu. Gij hebt lang genoeg gestreden. Mijn hart, dat is van u. You'd smile more when you're gardening, Richard. If I do that, they're going to lock me away. Try to look as though you're enjoying it, dear. But I don't particularly enjoy it. It's just something that has to be done. Well, that's how it appears. Well, the garden looks well enough. Oh, it's not the garden, dear. It's you. You look as though you're not enjoying doing it. Which gives the impression that we can't afford a gardener. Can't afford a gardener? Shh, Richard, keep your voice down, dear. If we can't afford a gardener, that's all the more reason why we should look as though we can afford a gardener. So in future, could you look like someone who enjoys doing his own gardening? But could afford a gardener if he wanted to. Born in England's pleasant green, like a picture postcard scene, to childhood spread with fond maternal care. From the day that he was born, proud relations came to form and compliment his pretty golden hair. In boyhood sent away to a boarding school to stay, its crumbling proud traditions forced to bear. And his friends in this new world said he looks more like a girl with those blue eyes and pretty golden hair. Into manhood's search for truth, his mother's eyes now wet to turn to stare. Where he said, I must be bound, this day for London town, for I believe my fortune's waiting there. So like an eager cutting knife, he plunged in a new life, all never known beforehand anywhere. And the thought that he might trip in his ignorance and slip never struck beneath his pretty golden hair. The days soon grew thin and boredom fast set in. His job was thrown away without a care. Hey you! Ça y est, c'est fini. Ah, il est déjà temps de se quitter. Et c'est toujours avec un peu de tristesse, mais aussi avec la joie de savoir que dans 7 jours très exactement, eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Alors, je rappelle, avant de se quitter, qu'il y a une page Facebook à l'émission, que vous pouvez nous envoyer vos annonces de concerts, comme l'a fait le Grenier Musique, hein, ils ont des concerts. Je rappelle, hein, si vous voulez donc participer à ces concerts, c'est 10... comment on appelle ça encore? Ah oui, c'est les soirs d'été. Voilà, il fallait que je retrouve le texte sur mon ordi. Ce sont 10 soirées musicales hebdomadaires où il y aura entre autres, je pense que c'est au mois d'août que dans le Shed jouera. Il y aura aussi, il me semble que c'est en juillet, fin juillet, qu'il y aura une chanteuse dont le nom est... Ah oui, Émilie Landry, voilà, Émilie Landry sera aussi en concert, donc n'hésitez pas. Vous allez sur leur site legreniermusique.com et ils sont à Moncton, c'est au New Brunswick, 10 provinces au Canada. Et donc, New Brunswick est l'une des 10 provinces. Alors, vous savez comment je sais qu'il y a 10 provinces au Canada? Vous voulez que je vous raconte rapidement la petite histoire avant qu'on se dise au revoir? Eh bien, il y a quelques années, je travaillais à l'ambassade du Canada à Londres. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'un Belge peut être superviseur de la réception à l'ambassade du Canada à Londres? Eh bien, tout simplement parce que j'étais en tant qu'intérimaire. Et à Londres, enfin, vous le savez, le Canada est un pays qui est bilingue. Et donc, à l'époque, à Londres, pour trouver des bilingues, eh bien, il n'y en avait pas des masses. Les Anglais ne sont pas vraiment bilingues. Les seuls bilingues, c'était les Belges et les Français. Et c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé à travailler à l'ambassade du Canada, qu'on appelle d'ailleurs Canadian High Commission. C'est une histoire avec le Commonwealth. C'était très chouette, hein, j'ai fait connaissance. Il y avait Geneviève qui s'occupait du service commercial. Il y avait Mario qui était au RCMP. Puis il y avait d'autres collègues. J'ai vraiment bien apprécié cette période. J'ai travaillé 4-5 années. Il y avait Monsieur Bilodeau aussi qui était l'ambassadeur adjoint. Je ne me rappelle plus du nom de l'ambassadeur. C'est un anglophone. Et donc c'est comme ça qu'un jour, il y a quelqu'un qui téléphone à l'ambassade. Et il me dit, voilà, je voulais savoir, c'est pour un concours, combien il y a de provinces au Canada? Et il dit, madame, je sais pas, attendez. Alors j'ai cru dans le couloir, j'ai agrippé le premier Canadien qui me tombait sous la main, j'ai dit, il y a combien de provinces au Québec? Combien de provinces au Canada? Il m'a dit, il y en a 10. Et quand je suis revenu au téléphone, il dit, mais comment est-ce que vous ne savez pas qu'il y a combien de provinces il y a? Parce que je suis belge, j'ai donc expliqué pourquoi je travaillais là. Voilà, donc n'hésitez pas, les Canadiens sont sympas. Et si vous avez envie peut-être d'aller visiter le pays et d'aller à Moncton pour voir les concerts, c'est $25 je pense. $200 pour les 10 concerts, c'est $25. Enfin, vous allez sur legreniermusique.com et là vous aurez toutes les infos. Dites, je leur fais de la pub au Grenier Musique. Hein. Merci Carole de m'envoyer comme ça les albums du Grenier Musique, ça me fait toujours plaisir. Allez, on se quitte non pas avec un groupe qui nous vient du Canada, mais avec un groupe qui nous vient de Hongrie. C'est Marta Sébastien et le groupe Musicas. Ils vont nous interpréter Aimer juste une personne, extrait de leur album Musicas qui est sorti en 1987. Moi, je vous quitte. Que la force soit avec vous et à la semaine prochaine. Faut qu'on trouve ce qui cache à l'eau. Oh, t'as ri. Et hop.